mais ce n'est pas la vraie raison. Ils ont dit, regarde, c'était, elles étaient tiennes, mais ça, c'était hier. C'est avec un peu de confiance, on les a prises avec aisance. Wow, je marche seul. Wow, je marche seul. L'argent allait fleurir. Je n'ai eu qu'à signer mon nom. À ma famille, je leur en demande pardon. Ils ont dit, regarde, c'était, et c'était tiens, mais ça, c'était hier. Tu sais, avec un peu de confiance, on les a prises avec aisance. Wow, je marche seul. Wow, je marche seul.